L'hiver, par Anna de Noailles. C'est l'hiver sans parfum ni chant. Dans le pré, les brins de verdure percent de leurs jets fléchissants. La neige étincelante et dure. Quelques buissons gardent encore des feuilles jaunes et cassantes que le vent a pris rude mort, comme font les chèvres grimpantes. Et les arbres silencieux que toute cette neige isole ont cessé de se faire entre eux leurs confidences bénévoles. Bois feuillus qui, pendant l'été, au chaud des feuilles cotonneuses, avaient connu les voluptés et les cris des huppes chanteuses, vous qui, dans la douce saison, respiriez la senteur des gommes, vous frissonnez à l'horizon avec des gestes qu'ont les hommes. Vous êtes là, vous êtes nus, plus rien dans l'air ne vous protège, et vos cœurs tendres ou chenus se désespère sur la neige. Et près de vous, frère orgueilleux, le sapin où le soleil brille balance les fruits écailleux qui luisent entre ses aiguilles. Anna de Noailles.